des bim, des bang et des baves. Je fais beaucoup de gaffe. Je m'emporte à tout vent. Souvent je claque les portes. T'en as marre de moi, chérie. T'en as marre de mes conneries. J'ai mis ta Cadillac dans le lac. Et plouf, moi j'ai dit ouf. Couler sous la mousse et souffler sur ta bouche. Je connais le moyen de calmer ton dédain.